étoiles s'éteignent, il y a bien d'autres choses qui peuvent disparaître. Alexandre, d'autres choses disparaissent derrière des arbres, des collines. On ne les retrouve plus d'un regard, un égard, une pensée, une peau. Et tout ce qui bouleverse. Alexandre, c'est pas de la mort, juste du microscopique, de la poussière envolée. La galaxie respire, elle est comme hier. Tu peux crever d'une main dans la tienne, une bouche, une voix. Elle est tout ce qui bouleverse, et tout ce qui bouleverse. C'est une douceur, un bonheur. Toute l'année, un été. Elle est tout ce qui te bouleverse, et tout ce qui te bouleverse. C'est minable, invivable, insupportable cette absence. Elle est tout ce qui te bouleverse, et tout ce qui te bouleverse.